Les tribulations de Faustine. Faustine est une fillette au tempérament énergique. Maman la trouve épuisante souvent. Mais si quelqu'un se plaint du sale caractère de sa fille, elle répond toujours « Ah, avec moi, elle obéit bien. Vous ne devez pas savoir vous y prendre. » Elle dit et redit à Faustine « Il vaut mieux avoir un sale caractère que pas de caractère du tout. » Maman pense que si on nourrit l'imagination des enfants, ils apprennent à s'occuper seuls pour peu qu'on leur suggère une idée de départ. Par conséquent, ils ne s'ennuient jamais et font moins de bêtises. Ça, comme le reste, c'est une question d'organisation. Elle se réclame de papa qui justement est ingénieur en organisation scientifique du travail. C'est un métier qui ne s'apprenait pas en Suisse à son époque. Papa a dû aller jusqu'à Paris pour l'étudier. Maintenant, il a trouvé un bon emploi. Il passe ses journées à rédiger de longs rapports qui expliquent aux gens comment ils doivent travailler. Au boulevard de Grancy, si on accepte les heures d'ennui à traîner en trottinette au printemps et en automne, la vie de Faustine a ses bons côtés. En été, il y a les après-midi à la piscine de Bellerive, un parc immense au bord du lac Léman, comportant plusieurs bassins, dont certains avec plongeoir et toboggan. Dans un coin sont regroupés les jeux des petits et les tables de ping-pong. Ça limite les hurlements. En terrasse, les adultes ont la possibilité de se restaurer, à côté du kiosque réservé aux plus jeunes. Ceux qui possèdent un cadenas profitent des vestiaires. De nombreux arbres, sous lesquels il fait bon lire, sont disséminés sur le gazon. Dès l'ouverture de la saison, Faustine prend un bouquin et file après la sieste. Ce n'est pas tout près. Il faut traverser le parc de Milan, prendre par l'avenue de Cour, puis descendre la longue dérupe de l'avenue des Bains jusqu'au lac. La gamine joue avec la pièce de 20 centimes que maman lui a remise pour payer l'entrée. Depuis une récente mésaventure, elle la lance moins haut. L'autre mercredi, elle l'a laissé tomber et perdu une bonne demi-heure à scruter l'herbe en vain. Néanmoins, Faustine l'a poussé jusqu'à la piscine. Une fois sur place, elle a évalué la situation. Comment entrer gratuitement? Par chance, il y avait justement une famille nombreuse à la caisse en train de payer son entrée. Faustine n'a eu qu'à se joindre aux enfants et le tour était joué. Aujourd'hui, Faustine repère un coin tranquille sous un arbre, pose serviette et vêtements, puis plonge le nez dans son bouquin. Plus tard, elle ira se rafraîchir dans le petit bassin. Sur le domaine de Bellerive, le grand bain, la piscine sans fond, l'accès au lac lui sont défendus tant qu'elle ne sait pas mieux nager. Mais elle s'en fiche, elle a de la lecture. Faustine vient toujours seule. Anne, sa seule copine d'école, habite de l'autre côté de la ville. Maman ne veut pas qu'elle se voie trop souvent. Évidemment, elle n'a pas dit pourquoi. Juste esquissé une drôle de grimace en parlant d'elle. Faustine déteste que les adultes s'attendent à ce qu'elle devine les choses sans qu'on les lui explique. Quand ils ont un visage dur, se contentent de lui donner des ordres et font comme si elle n'existe pas le reste du temps. La petite fille sait qu'il y a des bêtises comme celle de la semaine dernière qui sont plus difficiles à pardonner que d'autres parce qu'il s'agit de confiance, comme on ne cesse de le lui répéter. Ce samedi, donc, maman a envoyé Faustine retirer une commande au magasin diététique de Montchoisy. Pendant que la commerçante récupérait le sac dans l'arrière-boutique, la fillette n'a pu s'empêcher de chiper une barre de chocolat qui la narguait depuis longtemps. Elle ne savait pas que la boutiquière la surveillait dans un miroir. Au lieu de confier le sac à l'enfant, elle est venue le poser d'autorité dans le panier de la trottinette, là où Faustine avait caché son larcin. La marchande a fait les gros yeux et dit à la gamine qu'elle ne la dénoncerait pas à sa maman à la condition qu'elle lui avoue son méfait. Faustine promet. Sur le chemin du retour, elle essaye de manger la barre chocolatée. Mais la culpabilité l'empêchant d'aller jusqu'au bout, elle jette le reste dans le caniveau. Arrivée à la maison, maman l'attend. « Tu n'as rien à m'avouer ?»« La gifle est partie. La commerçante avait téléphoné. la petite s'est sentie profondément trahie. Comme tous les enfants de son âge, Faustine a un sens profond de la justice. Par exemple, elle ne voit pas pourquoi, quand elle fait une farce, on la gronde. Alors qu'on n'a rien dit à papa la fois où il a mis une fausse araignée dans la salade et que maman a hurlé de peur. À 7 ans, quand elle a commencé la grande école et demandé à ses parents pourquoi elle n'avait pas le même nom qu'eux, maman lui a expliqué que c'est parce que papa n'était pas son vrai papa. Elle lui a raconté qu'elle avait dû divorcer parce que son père, on dit biologique, n'était pas le prince charmant dont elle avait rêvé. Elle l'a dit exactement comme ça pour que la petite fille comprenne bien. Et qu'ensuite, Faustine avait 2 mois et demi, elle avait rencontré son papa actuel qui l'aime, elle, Faustine, comme si elle était sa vraie petite fille. Tu vois, ça ne fait aucune différence. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 papas. D'ailleurs, ton père, quand il a vu que tu n'étais pas un garçon, il ne t'a pas regardé 2 fois. Tu ne l'intéressais pas. Va savoir pourquoi. Faustine a souvent des bronchites. Heureusement, leur doctoresse l'expédie à la montagne au moindre signe de toux. On dirait que ça arrange bien maman. Mais Faustine finit vite par y trouver son compte. Elle a la chance d'être née dans un pays qui accueille les tuberculeux, non? Sans aller jusque-là, le canton du Valais ne manque pas de pensions destinées aux enfants et adolescents fragiles des poumons. Faustine aura l'occasion d'en fréquenter quelques-unes pendant toute son enfance. Que ce soit en hiver ou en été, elle adore partir. Partout ailleurs qu'à la maison, les tensions disparaissent. Elle ne se sent plus surveillée, ni jugée, ni coupable en permanence, mais légère et libre. Elle respire. Et quand elle se retrouve dans des endroits comme Finhaut, par exemple, minuscule village des Alpes valaisannes, tout est si beau qu'elle en viendrait presque à se souhaiter malade plus souvent. Sans compter qu'elle se fait beaucoup d'amis et qu'on l'autorise parfois à suivre l'école avec eux, bien qu'elle ne soit pas pensionnaire à l'année. C'est aussi à Finhaut qu'elle est allée au cinéma la toute première fois de sa vie. Elle y a vu Heidi pendant les vacances de Noël. Ça ne s'oublie pas. Depuis, Faustine a eu l'occasion d'aller voir Merlin l'Enchanteur au théâtre de Lausanne. Et ça aussi, c'était fantastique. Pendant ses séjours au Bonheur, maman se fait un devoir de lui rendre visite au moins 1 fois, avec un petit cadeau, bien sûr. Un jour, Faustine ne l'a pas reconnue. Elle avait teint ses cheveux. Avant la naissance de Stéphane, ses parents étant en voyage, la fillette a passé quelques semaines dans un foyer à Longiraud, au-dessus de Nyon. Pendant son séjour, sa voisine de chambre a été opérée des amygdales. À force de la voir manger des glaces à longueur de journée, Faustine a exigé la même chose. Maman a été d'accord. Après tout, ce serait toujours ça de fait. Malheureusement, à elle, on n'a donné que des yaourts. Quelle déception! En parlant de beauté des paysages, le chemin de l'école n'est pas mal non plus. Sortant de chez elle, elle parcourt le boulevard, dépasse le cèdre du Liban. Elle ne sait pas que c'est un cèdre et encore moins où se trouve le Liban, et arrive en haut du sentier qui longe la Ficelle, petit nom qu'on donne au métro lausannois. Et là, certains jours bien clairs, de l'autre côté du lac, sur la rive française, le massif du Mont Blanc, patriarche bien assis au milieu de sa cour, lui en met plein la vue. Les samedis après-midi d'hiver, Faustine met le cap sur la patinoire de Montchoisy. Ayant appris le patinage tôt, elle peut y aller seule désormais, d'autant qu'elle possède ses propres patins reçus à Noël. Le prix d'entrée est plus élevé que celui de la piscine. 1 franc. Elle a intérêt à rester longtemps à ce tarif. L'autre fois, elle s'est fait méchamment gronder parce que, étant sortie de l'établissement en quête de l'heure, elle avait oublié qu'il y avait une horloge à l'intérieur. Le caissier ne l'a pas laissée revenir. Elle n'avait plus d'argent. Donc elle est rentrée à la maison 1 heure plus tôt que prévu. Ses parents n'ont pas apprécié d'être dérangés pendant leur sieste. Cette année 1964 sera l'année de l'exposition nationale suisse. Maman, qui s'ennuie un peu, beaucoup, dans son rôle de femme au foyer, cherche toujours de quoi s'occuper. Ça ne lui suffit pas d'aller de temps à autre guincher avec Verena, leur voisine de palier, pendant que ce couche-tôt de papa garde les enfants. Verena a eu la poliomyélite quand elle était petite, et depuis elle boitille, ce qui ne l'empêche pas de danser divinement. Les deux jeunes femmes fréquentent le Tabaris, une boîte en vogue à Lausanne. Mais revenons à l'exposition nationale. Elle aura lieu d'avril à octobre et les organisateurs cherchent des chambres un peu partout en ville parce que les hôtels ne suffiront pas à la demande. Maman s'est inscrite. Elle a demandé à Gerda, la jeune fille au père, d'aller dormir chez une de ses amies afin de proposer sa chambre à d'éventuels hôtes payants. Chez Faustine, cette expo 1964 est un événement. On en parle beaucoup à l'école et Monsieur Raymond, son instituteur, leur décrit le Molorail, le mésoscaf d'Auguste Picard, ainsi que la tour de 101 mètres de haut. Faustine se réjouit de voir toutes ces merveilles. Elle ira deux fois. Peut-être qu'elle y aura croisé, sans le savoir, l'homme qui la comble aujourd'hui. Son Jeannot avait 5 ans alors, et ses grands-parents l'ont emmené deux fois à l'exposition lui aussi. Allez savoir.